às vezes cai-te todo num som. Com o Rui Veloso e este avião de papel. 3 minutos para as 6 da manhã. De vez em quando isto ativa 912-120-501, ou seja, aqui o WhatsApp, e quando ele ativa é um vista vias, não é? António Baetas, obrigado pela mensagem. Muito obrigado. Depois também o Jorge Reis a passar Verim até Vigo, e depois Bairrada, bom fim de semana para o pessoal de Oso Cargo e para a equipa da Antena 1. Portanto, a equipa recebeu e retribui. Depois também aqui o Mário Carvalho diz a todos aqueles que estão a ouvir a rádio, para o grupo O Rebenta a Bolha de Pombeira de Ganil, estou no Soito de Sabugal, e não faz nada mal. Obrigado, Mário Carvalho, tudo bom? Mais uma mensagem a dizer este ano, mais uma vez, para os anadienses que moram na zona de Lisboa, vão ter um bocado da sua tradição, da sua terra natal. Então, nesse caso, António, o que é que quer dizer com isso? Para que aqui o pessoal aí da sua zona possam ter uma tradição pascal. Cá por mim se vem recheio, não é? Depois, também o Manuel de Sousa, diz ele, com respeito a ir aos canadianos aqui nos Açores, no aeroporto das Lages, na Terceira, temos todas as quartas-feiras um avião vindo de Toronto e à Quinta de Boston. Todos eles adoram os Açores. Felicidades para o programa. Oh, Manuel Sousa, obrigado. Aí desde a Ilha Terceira. Olha, neste caso, eu assino por baixo. Adorei os Açores e tenho que conhecer o resto. Mensagens do WhatsApp, o 912-120-501. Depois das seis, vamos aí mantendo o contacto e até tenho para vos anunciar o que é que vai acontecer no Minho este fim de semana. E puxa bastante ao coração. Hoje, Faro, a máxima é de 20 graus, 19 para Santarém, Setúbal, Beja, ainda para o Funchal e também para Ponta Delgada. 18 graus para Castelo Branco, Leiria e Évora, 17 para Aveiro, Coimbra e Lisboa. Porto Alegre, hoje chega aos 16 de máxima, Braga, 15, Viana do Castelo e Porto, 14, 13 para Bragança e Vila Real, Viseu e Guarda, a máxima hoje de 12 graus, e depois temos 9 para as Espanhas Douradas. Soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, bonne nuit à la planète, la famille, j'espère que vous allez bien. 7h du matin, et courage à vous sur la flotte aujourd'hui. Malheureusement, le temps est nuageux, pluvieux, les températures au lieu du jour, 2 petits degrés, ça caille par contre, plutôt pas mal. 14 degrés jusqu'à 15, mais les nuages et la pluie aussi. Amélioration, ça devrait être dimanche et lundi. Ça, c'est pour la bonne nouvelle. En tout cas, on est heureux de vous retrouver à 7h du mat sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel avec le collectif métissé qui arrive et on adore. Et puis aussi, Némanus, belle journée, bon réveil et bon petit déjeuner à tous si on est arrivé. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Collectif Métissé qui arrive au mois de juin, ça me fait plaisir de les retrouver ce matin, mes potos de Bordeaux avec l'artiste Gimme Up, Johanna, Gimme Up, un petit coucou à José qui nous écoute du côté de la radio, qui est déjà au travail, ainsi que Tony Carrère. Sous-titrage Société Radio-Canada. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. This week. Belle journée sous la grisaille malheureusement aujourd'hui. Coucou à Sophie qui est connectée du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. Ben justement, Sophie, on rate pas le bal de la radio, c'est samedi 30 avril sur scène Agatha avec le groupe Capa Negra. C'est à 21h et c'est à la salle des fêtes de Saint-Privé, Saint-Mémin. Voilà un bel événement près de chez toi. Samedi 30 avril, le bal des œillets, le bal de la radio. On sera tous là pour faire la fête avec vous. Et on adore. Isabella. Belle journée et bon courage à vous qui allez bosser aujourd'hui. Allez, c'est le week-end qui arrive. Rapunzel en direct ce matin, 7h21, Isabelle là. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et ouais, on est là pour vous réveiller tous les matins. Courage à vous qui allez bosser. Orlando qui est là, connecté ce matin, qui écoute Radio Rapunzel 96 FM. Salut mon ami, bon courage pour le garage, pour le bar aussi. Bah ouais, hein, y a des gens qui se lèvent de très bonne heure, comme José aussi, qui est sur la route depuis 6h du matin. Chauffeur, livreur, salut mon José. Antoine qui est connecté aussi du côté d'Orléans, salut Antoine. Salut Isabella, elle est connectée aussi à Saint-Jean-de-Bray. Merci d'être aussi nombreux tous les matins, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Elle rayonne dans le sol, il est là. C'est vrai qu'en ce moment, le temps est pas terrible. Normalement, je dis bien, le ciel devrait se dégager dimanche et lundi. Le soleil devrait faire son apparition. Aujourd'hui, bah, de la pluie, des nuages, et on va quand même dépasser les 14-15 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième, c'est que le soleil est au rendez-vous avec Bailando Kizomba. Ven aquí a gozar junto a mí. Tu boca me está llamando. Muévete para mí. Muévete siempre así. Aprieta fuerte mi mano. Cuando estoy contigo nada, nada está prohibido. Bailando pegados. Al final llévame y cuélgate de mi cuello. Nadie alrededor, yo y tú, tú y yo. Solo un reflejo en el suelo. Cuando estoy contigo nada, nada está prohibido. Bailando pegados, muy lento a tu lado. Lleno de deseo, estoy encendido. Sigue mis pasos, vamos a soñar. Aquí entre las sombras, bailando kizomba. Tu cuerpo me nombra, comienzo a sudar. Te mueves en ondas, dibujando formas. Bailando kizomba, me quiero quedar. Bailar le matin, 7h25, la kizomba dans la voiture, pourquoi pas, vous qui allez au taf. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Et Camélon qui arrive avec nous, Portugal, Michael et Steven, qu'on est bien sûr à la radio et qu'on adore. Faz Minsola, belle journée et bandit à la planète. Eu fico logo perdido a sonhar. Adoro quando me tocas, bailas sem parar. Eu fico louco e digo, vem me amar. Contigo quero ficar, sentir teu corpo no meu. Contigo quero vibrar, por ya sentí se bailar. Bailando. Adoro cuando me tocas, dulce acaricia. Me imagino un momento lejos de tu amor. Llevo este fuego por dentro, me quemo. Yo contigo quiero picar, sentir tu cuerpo lo mío. Contigo quiero vibrar, por eso es que soy mío. Hace soñar, quiero gozar de este amor caliente. Sur Radio Arc-en-Ciel. La météo. Et la météo pour ce matin, comme je vous le disais, le temps est nuageux, couvert de la pluie malheureusement. Les températures au lever du jour, 2 petits degrés. Ouais, ça caille un petit peu, mais ça va, c'est tolérable on va dire. Et jusqu'à 14-15 degrés, ça va plutôt être pas mal, malgré cette pluie sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray, La Ferté-Saint-Aubin. Le ciel sera couvert et demain on prend les mêmes heures comment, je vous le disais. Normalement, dimanche et lundi, le ciel devrait se dégager. Ça c'est la bonne nouvelle quand même, un peu de son caliente pour bien vous réveiller le matin comme ça, pour vous qui allez travailler, bah ça fait du bien de la quise. Ah, c'est Jojo, bandé à la planète, hein. 7h30 minutes en direct. Era só Janjão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era só Janjão, quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só Janjão, tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só Janjão, quando tu dizias para pedir a tua mão. E o que eu faço eu, se não tenho o teu carinho? E o que eu faço eu, se não tenho o teu beijinho? E o que eu faço eu, se não tenho a teu contrário? E o que eu faço eu, se não tenho a outra minha mãe? Me diz porquê, pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração.

excellent deck ce matin, le meilleur de la Madonna avec Holly Day Air. Je sais pas si Madonna récemment elle s'est transformée, hein. Je sais pas ce qui lui arrive. En tout cas là c'était les bons souvenirs dans les années 80, 90 avec Holly Day. Les vacances peut-être pour vous bientôt. On est en direct ce matin, 7h38, c'est Frankie dans la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Frankie. Et puis n'oubliez pas de voter dimanche, hein, le premier tour pour les élections présidentielles. Et puis je viens de voir un petit article, là, selon un sondage, 39% des Français aimeraient boire l'apéro. Devinez avec qui, dans les candidats qui se présentent aux présidentielles. D'après vous, c'est Lassalle, Jean Lassalle. Et voilà, bah, ils aimeraient boire l'apéro avec lui. C'est 79% même des Français. Alors, je vous rappelle qu'aux élections, parce qu'on est obligé de citer tout le monde, hein, Fabien Roussel, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, vous avez Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Éric Zemmour, Nathalie Arthaud, Emmanuel Macron, parmi tous les ceux qui se présentent aux élections présidentielles. C'est super important de voter. Ça sera ce dimanche dans toutes les bonnes mairies. Il y a aussi, je l'ai oublié, Philippe Poitou. Bah oui, Poutou, Philippe Poutou. Il est bizarre, les sur sa photo, il a une casquette carrément. 7h39, coucou à Magnolia. Tiens, c'est original comme prénom, ça. Qui vient de se connecter et qui me dit « Salut Francky, belle journée à toi, direction le taf, je suis femme de ménage, moi. » Et ben voilà, il en faut. Je crois qu'on dit plus femme de ménage, on dit technicienne de surface. On les salue ce matin. Vous qui venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Maurais, Pithiviers, avec du son qui arrive un jour au mauvais moment. On l'adore. Calo Giro sur la conciel. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Ce matin, vous donner la bonne humeur et le sourire, vous qui allez travailler, eh bien on est là pour vous accompagner jusqu'au bureau, jusqu'au garage, jusqu'au bar, jusque vous voulez. En tout cas, on est là tous les matins, 7h-9h, c'est Francky dans la radio. Et je vous rappelle, cet événement Radio Arc-en-Ciel, c'est le bal de Radio Arc-en-Ciel, la soirée des muguets, ça arrive. Vous êtes 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh, Francky, il est perdu dans les soirées dans Radio Arc-en-Ciel. Le bal des œillets, c'est une grosse soirée à ne pas rater. Je vous rappelle la date, c'est le samedi 30 avril à partir de 21h. Sur scène, Agatha sera là. Et le groupe Capanègle, à partir de 21h, Saint-Privé, Saint-Melmain. La belle salle des fêtes, l'entrée de 10 euros, 8 euros pour les adhérents. Et elle sera sur scène, Agatha, qui arrive avec Ta Bonito sur Radio Arc-en-Ciel. Sur scène, le 30 avril. Eh bien, elle arrive tout de suite. Voici Agatha, Ta Bonito avec Danito. Hoje vou ao bailo do amor. Um meu santo me mandou pra encontrar o meu pai. E tudo que o meu santinho diz dá sempre um final feliz, desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação, e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim: tá bonito. Passito, baby, eu não resisto à doçura. E o coração já faz bum bum. Já fico louco, já fico maluco. E esse morenito já não te sai da cabeça. És o amor, só tu tens tudo que eu precisa. Bonito, bonito. Ça chante bien ça. Ouais, c'est bien la fête des œillets, hein. C'est pas les muguets. En tout cas, on les salue. Toute la Radio Arc-en-Ciel sera là le 30 avril avec Agatha sur scène. Une belle soirée. Radio Arc-en-Ciel Capanegra seront là aussi. L'entrée de 10 euros, 8 euros pour les adhérents. Donc venez nombreux. Samedi 30 avril à Saint-Privé, Saint-Mémin. Belle salle des fêtes. On vous attend. Tous les animateurs normalement seront là. On sera là sur la scène pour faire la fête avec vous. 30 avril, le samedi, Agatha, c'est ça. Tabonito avec Danito. Belle journée et bon réveil sur la radio couleur 96.2 FM. 7h53, l'horoscope qui arrive à 8h. Et Los del Rio, del Di Yankee, Luis Fonsi. Tomarlo sin ningún apuro. sola escrita en ay bendito, para que mi sitio se quede contigo. Ta radio soleil dès 7h avec Francky. Bueno, ya tú sabes que la unión hace la fuerza y que cuando se juntan talento y creatividad, el único camino es el éxito. Roster Music, poniéndote el flow tropical. La disco de forma indecente, la mano para arriba, mi gente. Somos latinos de sangre caliente. Quiero tenerla junto a mí. Cuando la vez se me diga que sí. Cuando ella quiera, nos vamos de aquí. Porque en mi cama ya sigue el party. Vamos a quitarnos toda la ropa. Mientras yo beso tu boca, voy jugando con tu pelo. Mío, te vuelves loca. Yo quiero ser tu ternura, tu enfermedad y locura. Los dos juntitos por siempre. Ah ouais, nous l'a fait Brésil dès le matin. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. L'horoscope, on démarre avec les béliers. Les béliers, vous ne prenez pas en compte les besoins de votre partenaire aujourd'hui. Les taureaux, en amour, il vaudra mieux jouer aujourd'hui la carte de la prudence. Les gémeaux, vos amis et vos proches vous donnent de très belles preuves d'affection ce matin. Les cancers, des idées folles et novatrices vous tendront la main, alors profitez-en. Les lions, vous ferez des efforts pour renforcer vos liens affectifs. Les vierges, vous serez davantage préoccupés par votre position sociale que par vos amours. Les balances, des questions nécessiteront des réunions de famille aujourd'hui. Les scorpions, vous aurez l'impression de redécouvrir votre partenaire. Les sagittaires, le climat astral vous pousse à adopter une attitude plus sage et mesurée. Les capricornes, c'est en dialoguant dans le plus grand calme et dans l'intimité que vous allez tirer les choses au clair. Les verseaux, il n'est pas encore temps de prendre des décisions sérieuses. Profitez de la vie. Et enfin, les poissons, vous aurez l'occasion de tirer de justes conclusions sur le passé. Alors réfléchissez, réfléchissez. Du son qui arrive, Caliente sur votre radio couleur. On vous souhaite une très très bonne matinée et un bon réveil en direct à 96.2 FM. Pezinho de dança em qualquer arraial. E se for com joelhinho Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. C'est qui a arrêté sa carrière, hein, qui sort un album posthume, on va dire. Un bel album qui cartonne en ce moment. Il est sorti il y a déjà 3 semaines et je peux vous dire, il faut le procurer de toute urgence. 32 ans de carrière quand même pour Daddy Yankee, c'est énorme. Voici du son Caliente et on adore la version live. I'm Alive, la belle Céline. Yeah. C'est vrai qu'elle a morflé quand même. Hein. Bah, c'est Céline. Caribou, 8h10, minutes et Céline Dion. Je peux vous dire, ce matin, on fait le tour de l'Afrique et ça fait plaisir de les retrouver. Voici Ambiance Tropicale et Décibel. On vous souhaite un bon réveil, un courage à vous si vous allez au taf ce matin. Bah ça y est, le week-end approche là dans quelques minutes. Hein. La météo aujourd'hui, le ciel est grisâtre malheureusement, de la pluie est prévue. Les températures sont plutôt pas mal quand même, hein. Jusqu'à 14 degrés aujourd'hui sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Saint-Jean-de-la-Ruelle. Le mec qu'on adore à la radio, bah oui, il a marqué les années 2000. Voici Camaro et son femme Like You, le petit remix de la radio arc-en-ciel. Belle journée, bon petit déj et bonne douche pour ceux qui viennent d'arriver. On est en direct 96.2 FM. my grammar. Ton style et ton charme est fabulous. Un délice pour un mec d'un baby baby. Si tu savais comme je dis baby baby. Crois-moi que l'atmosphère est parfaite. Tu sens plus qui sur la porte. Une voix qui se rencontre, une histoire qui se raconte. Une chanson pour le dire, et les mots, les images pour le décrire. Un rencontre ancienne. Appelle le 02 38 43 48 00. 7h 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Sure. Al mejor de la música, Limbo, le king du reggaeton, Daddy Yankee. Courage à vous, qui êtes peut-être en week-end là. Il y a Stéphane qui me dit, moi je suis en week-end à 13h, Francky, belle journée à toi. Merci mon ami. 8h21, l'époque, la meilleure époque, c'était les années 80, 87, ce type. L'Italo Dance, comme on appelait ça à l'époque, elle en faisait partie, la belle Spagna. Et là, ça va pas vous rajeunir. Voici Easy Lady, un titre de 1987 qui était resté à l'époque quelques semaines numéro 1 en Europe. Voici Spagna, Easy Lady. Allez voir le clip sur YouTube, vous allez voir la coupe de cheveux qu'elle avait à l'époque quand même. Hein. Belle journée, bon petit déj à tous. Soleil dès 7h avec Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. On arrive en hélico, ça pète comme Enrico. Mais mon premier c'est trop hala en écho. Sopa, jaja, c'est ma pinto. Moi, je prends des selfies jusqu'à Porto Rico. J'avais la NG, je volais jusqu'à l'Engi. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à l'Engi. Et la Zina, elle s'habille tout en Fendi. J'suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu les vibra best life. Okay. J'étais pas là, j'étais dans la baraque. La voiture au garage, ah ouais. Je prends mon avion sur Paname. J'ai le vague à l'âme, ça m'a touché, j'ai l'alarme. Tu me fumais, j'ai mis la soquette sur l'alarme. Qui t'a dit que j'étais fauché? Je viens d'atterrir ou bouger. Dans le fond, tout m'a coudé. Je les vois tous jalousés. Je suis très organisé, des petits chats m'ont bougé. Je suis en plein plein tout l'été, le rond rouge, j'ai pas fait. Je suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Je suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Laisse-moi vivre ma best life. Best life. En Bentley, je voulais vivre ma best life. Par cœur, je sais que t'en veux encore. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. Je te connais par cœur, je sais que t'en veux encore. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. Ma best life. Bentley, je sais pas si ça marche en 103 SP Sport. Je voulais vivre ma best life. Il y a tout le monde là, Naps, Games, Best Life, heureux d'être avec vous, 8h28, c'est Funky dans la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh ben dis donc, après les pizzas, les chocolats, les fromages, c'est au tour des bouillons cubes d'être rappelés à l'ordre et puis d'être au retour à la maison surtout parce que il y a des bouillons cubes légumes sans sel de la marque Jardin Bio Éthique qui font l'objet d'un rappel depuis le 30 mars 2022 à cause d'un défaut d'emballage. Ils pourraient contenir des traces d'huile minérale qui pourraient être toxiques pour la santé. Donc si vous les avez achetés le 30 ou après le 30 mars 2022, ces bouillons cubes légumes sans sel de la marque Jardin Bio, faut les ramener, voilà, impérativement, vous serez bien sûr remboursé. Du son qui arrive, le meilleur de la musique, on vous souhaite une très très belle journée avec l'Italia et Forza, et on adore, voici Umberto Tozzi et Gloria. Bandi à la planète. 7h, 9h. Il vous accompagne au boulot. C'est Francky. L'île de la Réunion, on aimerait bien y être. Hein. Les températures aujourd'hui à la Réunion, 28-30 degrés. Du soleil, des nuages. Ah, ouais, mais bon, 30 degrés, ça fait du bien au réveil. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Au soir, les mêmes télé, la version de Soul King. ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Avec l'un des plus grands guitaristes de la planète, Carlos Santana. Maria, Maria, le son des années 2000. Redette avec vous, c'est Francky dans la radio. On est là jusqu'à 9h. La météo. La météo pour aujourd'hui sur Olivier, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers ou encore la chapelle Saint-Mémin, Main-sur-Loire, Saint-Y, Chingy. Eh bien, le ciel est nuageux, couvert avec quelques quelques gouttes de pluie ce matin. Malheureusement, ça va perdurer et encore demain. Ouais, normalement, je dis bien normalement, dimanche et lundi, on aura un peu de soleil. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, on recommence à avoir quelques nuages, mais le beau temps devrait revenir à partir de la semaine prochaine. Si tout va bien, it's alright, it's okay, c'est le meilleur de la musique. On est en direct et c'est Tony Hans. Let me guide you through the heartache.

métrage. C'est elle qui nettoie mes armes et c'est à deux qu'on fait le ménage. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Baby Mafiosa, et puis je viens de voir que cet été va être tourné un film sur Jacques Chirac, sur sa vie, et Catherine Deneuve devrait incarner le rôle de Bernadette Chirac. Voilà une bonne nouvelle. Du son caliente qui arrive avec Anna Mayorea, qui arrive à Noter Locura, et puis le meilleur de la musique avec France Gall, évidemment. 7h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Jusqu'à la porte du boulot, je vous accompagne. Ce titre avait été écrit en 1986 pour Daniel Balavoine. Voici le meilleur de France Gall, évidemment. Comme un goût de poussière. Qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas de comme avant. Bah ouais, ça sera plus pareil. Écrit pour Daniel Balavoine par France Gall, c'était en 86, suite au décès dans le Paris-Dakar. Voilà, c'était le petit clin d'œil de cette matinée. On pense très fort à lui, Daniel Balavoine qui nous manque, France Gall aussi qui nous manque, il part tout sympa. Mais on est là pour vous donner le sourire, le rayon sur le sol. I know your locura. Belle journée, monsieur Laurenceau qui arrive dans quelques minutes. Le son du Portugal.